Isaac Opus. Oh shit, man. Ok, yo. Tout le monde passe leur temps à dire yo. Chill pas avec elle, c'est une salope. Ben non. Finalement, yo. Isaac Opus. J'tombe pas l'amour avec une salope. J'tombe pas l'amour avec les salopes. J'tombe pas l'amour avec une salope. J'tombe pas l'amour avec les salopes. J'tombe pas l'amour avec une salope. Pas mal, pas ça me fait pas mal. Mais est-ce que c'est pour ça qu'il fait pas mal? Que je peux faire mes chiffres de ta gueule, j'y fais pas mal. Dans cette fois qu'elle était de même, mais j'avais des doutes. Je voulais pas qu'elle soit de même, mais ce qu'elle fait, ça confirme tout. Elle aime pas ses plus mal, respecte pas les autres gars. Elle aime pas ses plus mal, respecte pas les autres.